toutes les mafias. J'ai une mission, pas très bien menée. En fait, en tout point, j'ai merdé. Yeah, yeah, yeah. Cendrillon, je devais prendre la pantoufle de verre et la rapporter à ce dieu pervers. Une fois dans le compte à la ninja, j'allais zapper sur vers ma proie. Mais là je fus choqué de mon inculture, ne sachant choisir quelle pointure. Me fourrer un pantoufle de verre ou de bluffetage, pantoufle en verre, yeah. Pantoufle en verre ou de verre, que faire? Je ne pouvais ramener au mal qu'un objet. Je savais pas qui avait créé Cendrillon, mais y'en avait écrit au moins deux versions. J'avais choisi celle de vers Cendrillon serait princesse, princesse des enfers, j'avais tenu promesse. Je ramène un trophée au mal tout puissant, j'avais triomphé, j'étais admis Dieu à présent. Victoire du mal, victoire du mal. Mais au fait, le conte a continué à se dérouler normalement. Et alors que les ténèbres rageaient, moi, j'arrivais tout bandant. Dans l'angle des enfers, je fulminais comme un malheureux ver. Mon arrêt de mort était signé, Satan voulait que je sois écorché. Apéro dans ses contes originaux, avec les commentaires, le verre clair comme l'eau. Mais moi j'avais choisi misérable et